sa chandelle. Elle cherche une amie, pas un père, une mère, ni un petit. C'est pour toute sa vie, vite il lui faut un ami. Un ami fidèle comme le chien, petite bête à qui on fait plein de câlins. Les moins privilégiés de toutes ces conneries, un ami pour la vie.